Bonjour. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Oui, bonjour, bonsoir. Jambo, merci. Nathalie, vous êtes là, merci. Félix Diarré, comme d'habitude, vous êtes là, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci. Les amis sur Facebook et sur YouTube. Merci et si vous pouvez partager notre live. Et on les promet, on ne sera pas longtemps. Voilà, merci beaucoup. Merci, partagez la vidéo. Oui, merci. Je vous vois, merci. Voilà. Tous allez na point moko kaka na ordre du jour. Et oyo ndenge tokomi yango, nous avons écrit sur YouTube la Congolité et les Congolais. Et avant Tokotana na point wana, nous voulons juste moi divers ce qui est allié et causangaté, il faut ça là. Les alliés, les dossiers, il y a des conabiso yambo. Je pense que la journée, il y a les lots, na Europe, donc na France, les hauts commissariats pour les réfugiés, Genève, bah, Kota qui est en contact avec les hauts commissariats pour les réfugiés. France et puis Belgique. Donc, je dis bien les hauts commissariats pour les réfugiés, direction générale, donc Genève. Et Bakoki Kosala et l'autre mon côté, sans qu'on soit en contact avec direction na Bango, na France ou direction na Bango, na Belgique. Et les amis doivent savoir que si les hauts commissariats pour les réfugiés intervient pour les Kabokechu, ils allaient juste pour la statut naïe de réfugiés. Pour la Elokomsusuti. Et Nakatikuna, s'il y a un dossier qui n'est pas lié à son statut de réfugié, wana ezali charge ya avocat naye, mutu azali ko zwa yango en charge, azali ko traiter yango. Mais ce qui ezali juste, bon, parce qu'ezali problème ya immigration. Et c'est qu'à au commissariat pour le réfugié, Azali ko intervenir. Alors, et l'okonyo so oyo étali immigration te, étali statut naya réfugié te, ce qui conséquence nango Azali ya ko éloigné meshe Boketcho na frontière ya Belgique te esika wana o commissariat pour les réfugiés a ko intervenir et azali ko intervenir. Mais na ye ko mona sur le net ba vidéo msusu na zo mona, ça me donne l'impression comme s'il y a deux groupes ou bien ba groupe ezali ebele pour na ko soutenir ndeko na biso Boketcho. J'ai vu quelque part que ezali na ba mi msusu bazali ko luka ba voka msusu, nazali ko comprendre te pourquoi. Na yebite ce qui déjà basi ba expliquer le pourquoi. Mais nga nazo mona yango ezali na importance mon côté. Ce qui avocat na ye o azali na ye azali ko sala musala normalement. Je ne vois pas pourquoi chercher un autre avocat, parce que vous le savez très bien expliqué yango la fois passée. Un avocat, vous considérez le col à un médecin. Ce qui avocat ou une spécialité na ye ezali migration te, ezali migration forcée te, donc pour les réfugiés ou apatrides. La convenance avec cet avocat, vous pouvez discuter pour na koluka un autre avocat ko bakisaye na avocat o ya liboso. Mais je décourage ceux qui ba mimususu bazali oyo bazali na intention ya kolongola avocat o azanaye pour ba remplacer na avocat mususu. Na yebi pourquoi na zolo ba boye, j'ai travaillé avec beaucoup d'avocats sur les cas ya ba réfugiés. Ceux qui boke koluka avocat mususu e bolongoli oyo sans explication ezali lokola boye milier. Alors ce qui est humilié, à sentir qu'ils ont l'humiliation, l'avocat a zali na ba opportunité mingi avant de céder dossier, ya ko déranger dossier. Il peut déranger les dossiers. Ou bien il peut coopérer aussi avec cet avocat, le nouveau avocat, ezamala mouté pour na client. Moi, je préfère que ceux qui bandeko oyo bazali na approche ya koluka avocat mususu, conseil nanga ezali soki avocat oyo azali avocat ya migration te, azali avocat ya force migration te, donc migrant forcé, vous pouvez koluka avocat mususu mais basala ensemble, parce que il peut y avoir que nakati ya dossier ya Boketcho ba ka mususu ekoki koya. Peut-être bango mibale bakoki kozala na symbiose pour que ba trouver solution. Donc l'argument ya kopesa ke avocat wana azali congolais, pourquoi bazuye avocat wana il semblerait azali ndeko ya mutu moko boye asala ka aza politicien soki na wapi soki na PPRD soki azali mutu ya UNC, ça c'est pas un problème. Le problème est Zali que est-ce que ce que l'avocat vous dit est Zali kokende na direction ya malamu ya client na ye. Kozala ndeko ngai na koyi kozala nga na Zali ndeko ba congolais. Mais mutu moko milvor moko koyi kozwa problème soki na Zali avocat nga na Zali ndeko ba congolais. Soki milvor moko azui problème parce que ba milvor baza ba ndeko ya kagame. Soki milvor azui problème, ça va pas m'empêcher pour na ko plaider pour na milouvor wana na kotika la kaka na musala na nga ya avocat na kotika la musala na nga ya avocat. C'est pour cela ba avocat ba prêtaka serment. Alors je ne vois pas pourquoi bandeko ba ke de ko luka avocat mususu oyo ya il boso azana ye asali nini bozo reprocher na nini. Est-ce que koluka avocat bozali koluka bozali en contact avec Boketcho yemoko ou bien na famille na ye pour na koloba ke non to luka avocat mususu bien comment bien mutu na mutu ngai na koyeko engager na avocat coréen na tindi mutu na mutu ko tinda avocat na ye mais ils ont des ordres. Ils ont des ordres. Moi, je pense que Batu O Bazali très proche, parce que Ndekota la Ndekonabiso Boketchu, Mama Antoinette Kinkela, Ndekonabiso Pichu Shomongo, Ndekonabiso Jenny, Ndekonabiso Zorobilel, et puis Bazali Ebele. Et vous croyez que vous avez un problème, vous avez un problème, il y a un souci avec l'avocat ya Oazanaye. Alors, boko bengana avocat boyete et boko kutananaye boye bisye ke non peut-être dossier ande kona biso boke tu ezali moi volumine to lingi to associer yona avocat mususu conseil nanga yangwana parce que je vous dis peut-être bande ko ebele ba zalana noté ba salana noté na isika moko oyo ba avocat ba intervenir kebele ngai na salaka na bisika oyo ba avocat ba intervenir kebele. Il y a des choses qui se disent entre avocats. Alors, si vous allez n'approche ya ko humilier moto oyo bomoni déjà un avocat, vous allez na raison mon côté, boye bisaye atika musala zo sala, boye ko remplacer mususu, boye ba ke ba avocat bazali pe ba ami. Ba koyo ko zala bango mi bale ba yebani. Ba koyo ko zala bango mi bale ba kutana quelque part. Ba koyo ko zala bon pona ko sauver musala na biso ya ba avocat, ba to oyo pourquoi ba humilier yo. Ezana raison mon côté. Avocat anazala congolais, azala mundele, azala asiatique, azala nani, ça c'est pas le problème. Le problème ezali est-ce qu'azo sala musala na ye malamu ou bien azo sala musala malamu te. Voilà donc problème nanga nanga lo bana divers na makambo etali conseil juridique pour nande kona biso boketchu. Alors, et tokota na point na biso oyo ezali ko lobama mingi mikolo yo na mboka na biso, la Congolité, na komi na titre na biso na YouTube, la Congolité et les Congolais. Je ne sais pas la définition ya batuba bimisa terme wana la Congolité, mais je connais encore na mboka mususu ya Afrique terme wana bima na Côte d'Ivoire, l'ivoirité. C'est un terme ce qui totali yango d'une façon littérale, ezali terme qui ne pose pas problème. Ezali terme moko ezana problème moko te. Mais maintenant, quand tu colorier ango na couleur politique, et qu'on peut sa explication moussousou. Et qu'on peut sa explication moussousou. Alors, n'est-ce que vous allez comprendre les gens qui parlent de la Congolité, na Congo, na Moma Oyo, et vous allez outa na ba pensée belé batou ba bazala kanango, par exemple, ba politicien, même ba tumusus ba activiste qui parle de la Congolité, elingi ko loba na entendement na ngai façon ozali ko comprendre un Congolais azali nani, qui est Congolais. Alors, c'est ce qu'on embelli na ba terme ya ba activiste, na ba terme ba politicien, pour na ko loba la Congolité. Mais ayez koko mana activité makasi mikolo yo, c'est juste monsieur, je pense, Noël Tiani, c'est ça son nom, je pense, oyo auti koloba ou bien lobaki que pour être ezali na ba poste mosu ba fonction mosu sou na mboka na biso pour na kozala na ba fonction na pona kozo ba fonction na il faut un certain degré de la Congolité, c'est-à-dire que il faut zala un Congolais, ça na mboka nyonso na monde, pour zala un président de la République par exemple, pour zala un président ya parlement par exemple, président ya sénat par exemple, il faut être citoyen de ces pays-là. Ça on en disconvient pas. Discussion ezate na sikawana. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que vous définissez les citoyens de ces pays-là. Vous allez définir yango ndenge nini. Nani azali citoyen et nani azali censé kozwa ba fonction wana. On les définit na cadre ya mibeko et mibeko wana esalemaka na parlement. Na parlement esalemaka na initiative ya ba parlementaire. Ce qui ba moni ke mboka na biso il faut to définir cadre moko lokola par exemple la citoyenneté to définir yango ezali na parlement ba ko discuter yango po ba définir nani azali citoyen ya mboka na biso. Alors comme je l'ai dit, initiative wana eyaka na parlement, un parlementaire ou un groupe, il y a un groupe parlementaire et qui a proposé cette loi ou qui a les canaux discussion na parlement. Soit et qui a une proposition il y a gouvernement. Gouvernement qui a proposé na cadre au yobaki paka baso ki pa makambu ya citoyenneté, je pense que chez nous et qui a le ministère ya intérieur, ba qui a proposé une loi na parlement pour que ba parlementaire ba tala e loko wana. Il y a citoyenneté, par exemple. Et qu'on peut avoir une initiative, il y a peuple. La population qui se réunir avec des signatures. Il y a bon, dans le cannabis, tout le monde qui a problème, il y a citoyenneté, pose souci. Alors, nous proposons que le parlementaire soit le cambo oyo pour que le meka, quand il y a biso, définir biso, la citoyenneté dans le cannabis. Là, ce n'est pas un problème. Mais le cas où ebimi sikoyo ezali le cas ya ndeko Noel Tiani nokobona yangwana oyo ayekoloba alingi ba parlementaire ba proposer une loi oya koloba ki pour être président de la République démocratique. La République a démocratisé du Congo, il faut ozala congolais de père et de mère. Ezali ko sala ba débat mutu na mutu azali na position na ye selon ce que j'ai remarqué. Mutu na mutu azali ko se positionner pas selon les Congo, mais mutu na mutu azali ko se positionner selon intérêt na ye personnel. Alors avant d'appeler sa position nangai, je voudrais d'abord dire na bandeko bozali kolanda ngai. Ezali pas si mais soki to sali effort et loko oyo ekoki kosila. Congolais azali na mentalité moko na lobaki yango la fois passée. Soki ngai na lingaka Elena Garcia te. C'est-à-dire eloko nyonso Elena Garcia koloba ezali mabe. Soki Elena Garcia azali na enemi, enemi wana pe akokoma enemi na ngai. Ezala problème oyo Elena Garcia azana ngona mutu mususu, ezali entre bango. Te, Congolais, ba minyo so ya Elena Garcia, bako se ranger derrière ye, bako mi ba enemi ya mutu wana. Eloko nyo se Elena Garcia koloba, meme Elena Garcia lobi Yesu azan zambe. Ngai na kondima teke Yesu aza nzambe. Pourquoi? Parce que ezali Elena Garcia mutu alobi yango. Parce que nalingaka yete, lokola lobi ki Yesu aza nzambe, nga na koboya Yesu aza nzambe te. Pourquoi? Même si na motema na nga na yebi, ki Yesu aza nzambe, nga na koboya yango, parce que mutu alobi yango ezali Elena Garcia. C'est ça la culture ya mabe, la culture négative congolaise. Soki ozali olingaka yombite, olingaka mutu ya yombite, likamunyoso yombi ya koloba, meme yombi ya lobi Yesu aza nzambe, meme si ya lobi kimbangu aza molimo, ndeko wako ndima yangote, paske mutu ya yombi na lingaka yangote. To sala makasi, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, pour to changer culture wane zali culture ya mabe. Moi, je peux se dire aujourd'hui, na lobi bon, ngaina Elena Garcia na lingana kate. Mais Elena Garcia lobi Yesu aza nzambe. Na verifier na lobi oui ya solo Yesu aza nzambe, ngana ko ndima yango na ko soutenir ye oui Elena Garcia na makamusu to coopera kate to yokana kate mais oyo lobi Yesu azali nzambe ezali ya solo c'est ça bato o babengaka bato bazali évoluer c'est ça franchement na ko yebisa bino avec regret que nazali ko constater que ba congolais toza ba primitif. C'est-à-dire, c'est comme si tu allais vivre dans le 10e siècle. Vraiment, tu allais être primitif. Tu as remarqué, tu es belé, tu as commenté sur Noël Tchani à propos de la Congolité. Tu as la plupart ceux qui ont été dit, tu as Noël Tchani. Balinga kayete. Donc tout ce qui va dire ezali eloko ya mabe. Mais mes chers amis, na koyebisa bino ke mboka moko te na monde oyo ezanga mibeko. Mboka moko te. Moi je pense que pona ko discuter sur proposition de loi. Pona ko discuter pona likambo oyo, bo discuter yango te avec des noms. Discuter sur base, il y a définition que vous voulez donner de la Congolité. Discuter sur base, il y a profil. Pas sur base de nom, il y a batu. Parce que ce qui peut dire, il y a batu, il y a discussion sur la Congolité. Moutou na moutou azali ko discuter selon intérêt na ye personnel et non intérêt général, il y a mboka na biso ya Congo. Noël Tchani dit, pour na kozala président de la République, je pense que na ebité na tangi na noni na yete mais na yoki, peut-être akéi peut-être na niveau parlement ou bien na sénat ou bien ba fonction mususu, pour na kozala kozaba fonction wana, il faut zala congolais de père et de mère. Je ne pense pas qu'il y a pesi kombo ya batu. Alors, mabe ezali esika nini. Mboka nini ezanga mibeko. Na ye komona ndeko moko, toko bomba yangote, azali pro Katumbi. Ndeko oyu avandi na mboka na Europe, awumeli na Europe, azali vraiment responsable ndenge na mona kaye, c'est une personne sérieuse. Aye koloba, a komi quelque part na poste na ye, alobi Katumbi azamoto un homme bon. Katumbi aza un homme bon, alors il faut azala président. Na lobaka, mes chers amis, to profitaka na ba séjour na biso na ba mboka to vandi. Ezali mwandambu ya ngolu ke o vandi libanda na diaspora na ba mboka o ezali évoluer na mentalité. Na bamboka o ezali évoluer na démocratie, na bamboka o ezali évoluer na droit de l'homme, na bamboka o ezali évoluer na makambo ebele, na bamboka o ezali évoluer ke leloko yeba kotanga eloko po yeba connaissance, okofuta susu mbongo te, c'est gratuit okoyi kozoba connaissance wana. Mboka nyonso pose à la président nango. Mboka nyon s'oppose à la président à parlement ou à sénat, il faut remplir ba condition ya nationalité ya mboka wana. Alors, ce qui na Congo to lobby ke pona koza la président de la République, pona koza la président ya sénat, pona koza la président ya parle ya assemblée générale. Il faut zala congolais de père et de mère. Mabe ezali wapi? Ngai kutu na koyiko kende mwa musika. Congolais de père et de mère kakati. Congolais de père et de mère. Et vos deux parents, le parent de vos deux parents, bazali pe ba congolais. Je pense que il faut te pousser na même na ba génération mi balé. C'est-à-dire ba koko na yo. Oyo ba bota papa na yo na mama na yo. Ba koko na yo bango mi bale. Oyo ba bota papa na yo. kuna pe bakoko baza mibale o babota mama na yo kuna pe baza bakoko mibale donc koko ya mwasi na ya mobali kuna pe koko ya mwasi na mobali il faut baza la bakongole pona nini parce que mboka na biso ezali mboka moko ezana situation moko spéciale situation spéciale na ndenge nini situation spéciale que c'est un pays depuis 20 ans plus de 20 ans na loba mboka na biso ezali na ba carte d'identité mboka na biso ezali na recensement ou ezali na probabilité ya doute moindre té. C'est-à-dire mboka na biso lelo soki balobi tozali 100 millions 80 millions ezali juste une imagination na moni na no institut moko te na mboka na biso ou esali recensement ya population na biso na moni na onte bato batamboli de porte à porte pour basala recensement ya mboka na biso. Alors dans un pays où ezali na situation ya boye tout le monde peut rentrer au Congo a komi lelo lobia ke ina village moko na Mpompa par exemple a pesi moi $50 na famille moko ndeko wana ke kozwa carte de lecteur lobi na tongo ndeko wana komi congolais lokola za na carte de lecteur ndeko wana komi congolais lokola komi congolais ndeko wana koyi ko koma président de la république na 2023 la loi oyo makanisi oyo Noel Tshani azali ko proposer na parlement ezali makanisi moko taillé pona mutute contre mutute ezali pona ko protéger biso parce que tozali na ba problème moko sérieux na mboka na biso. Mes chers amis, nani azali awa tombola mosapi na ye ayebisa biso que soki Bosco Ntaganda aye na 2023 avec sa carte d'électeur qui azali congolais apesi candidature à comme président nani akoboya ye parce que azali na carte d'électeur alakisi biso que azali na carte d'électeur c'est que akoyi ko voter lokola koyi ko voter c'est kaza congolais soki kaza congolais akoyi ko comme président de la république nani akoboya ye. Mes chers amis, il y a des lois oyo ça fait mal. Mais bien comme soit koyi ko zala yo moko zali impliqué na mobeko wana, mais c'est la loi. Mais bien que zali pona ko protéger pona avancement ya malamo, ya cause générale. Ezali cause particulière de ya mutu. Ezali cause générale de la société. Soki tozalaka na mboka moko oyo bazali par exemple na système moko ya immigration ya malamu bazali na recensement ya malamu bazali na contrôle ya malamu ya ba frontière bazali na ba carte d'identité na ndenge ya malamu oui on peut se dire bon voilà pona kozala président il faut remplir ba condition boye né au Congo boye parce que on s'est retracé que non soki ba lobby un tel abotami na Congo bakoyi ko kende même na génération bakoko na ye même 10 bakoyé babato ba uta na kweni ya pays na biso mais tozali na situation moko d'exception un pays où personne azali ko yé baté nani azali congolais nani azali congolais té na pese bino exemple Bosco Ntaganda peut devenir président na mboka na biso pona bino ko sala bino eloko té parce qu'il ne faut pas parler de cette situation de la congolité. Pona bino, Roubero a pu devenir président dans notre pays, ça pose pas problème parce que vous empêchez ba lobela makamba congolité. Pona bino, James Kabarebe a été au Congo. Bokoyi komona te mokolo mosusu ko nazalaki na Congo, peut-être James Kabarebe atikala ko zwa carte électeur ya Congo. James Kabarebe peut venir à poser candidature na ye. Akoyeb Sabino, oui, je suis congolais. Prouvez biso que vous êtes congolais, ta la carte d'électeur nanga yango. Prouvez biso que vous êtes congolais, oui, ba para nanga ba uta minembwe. Nane kotombo la mosaka ko boya ye et vous allez le rejeter avec quel argument? Parce que pona ko prouver congolité, il faut prouver aux alina peut-être na carte d'identité et pas na biso carte d'identité za la kate, Il faut que prouver et donc ils ont ça là office à carte d'identité et ils ont carte d'électeur. Ce que James Kabarebe bien la question est une carte d'électeur. Bon, qui a vérifié na CENI que oui, il s'est enregistré réellement na Minembwe par exemple ou bien na Goma, il y a qui na Boutou Boutou s'est enregistré na Goma. Alors, nani a koboya? Bon, koboya James Kabarebe avec quel document? Parce qu'il a prouvé bien que il est congolais, asa détenteur y a carte d'électeur. Ce que Boutou n'y a pas passeport. Passeport na biso boye bindenge pesa maka. Nani akoboya James Kabarebe soki alakisi biso passeport congolais. Ndeko oyo akomi na poste na ya lobi Katumbi na yebite Katumbi soki aza congolais ba za congolais te mais na kokoma na esika wana. Alobi Katumbi c'est un homme bon. Alors, il faut comme un président. Mes chers amis, il faut tous à la série. Franchement, et ça, il y a comme ça, même tout seul, il y a déjà ma cambozo, loba. Moi, doute, il y a peut-être un royal qui a posé, ou bien il y a posé un problème sérieux. Na ko ça, il y a parce que il y a déjà que non, cette personne n'est pas sérieuse. Qu'on a la bande dans un pays, et ça, il y a droité. Ou comme président ya pays wana. Moi je vous dis, ba Coréen bazali 60, solo ba 65 millions d'habitants. Nazoye bisabino avec certitude que 99% ya ba Congolais ba linga kangai ba considera kanga ki naza un type bon, très bon même. Mais cela ne me permet pas na ya comme président ya Corée, ce qui naza Coréen te. Koza la bon, o pesa kabato mwa sa kombia loso, o fute le kabato mwa tike, o sala kaboye, ça ne vous donne pas les droits, o ya kokoma président ya pays wana. Franchement, pourquoi Congolais a koyi ko sacrifier mboka na ye, po kaka na sentiment? Makambo na yo kaka concernant Katumbi, na yo Katumbi socialement, azali un type bon. Ndenge na yo kaka, na kutana na Katumbi te. Bato o ba approche Katumbi, semblerait socialement, azala kamutu moko malamu. Me yombi pe bat ba approche yombi, ba yibi ke yombi aza mutu malamu. Tout le monde. Parce que epa na biso na Congo ko zala mutu malamu, soki mutu akabelo sa kombia loso, aza mutu malamu. Mais moi je vous dis congolais mokote o akutana na ngai na mboka kore. Je dis bien congolais mokote o akutana na ngai na mboka kore na bureau na ngai abima na poche na ye atana $100 na ngai te mokote akotombola musapi. Je dis bien mokote akotombola musapi. Il y a des places mususu na kenda kasoyi ba invité ngai na kei. Oh bon, il y a kokoloba parce que na Corée ce que ba bengio na télévision on paye. Ce que ba lingi ba comme article na combo na na journal on paye. Il faut ba futa yo. Na kenda na ba plateau de télévision mingi. Na kei ka bo so ba futinga ko bimozo bi maso kuta ina congolais ka boye. Enveloppe wana peut-être na kozwa to kaboli na mutu wana zwa. Mais cela ne me permet pas d'avoir comme président en Boka Kore, soit dans la Corée. Pour la bande de Konabiso, basali ko supporter Katumbi. Ngai na yoka yango na munoko Katumbi yemoko. Mutu msusu mutu ayebisi ngai te. Basusu mibale. Susa liboso Katumbi yemoko. Susa mibale grand frère ya Katumbi. Katumbi ye moko alobi bien papa na ye azali juif na Congo tozana ba juif te. Tout le monde est d'accord que na Congo tozana ba juif te. Na yoka na monoko a grand frère ya Katumbi ba video ezali grand frère ya Katumbi alobi ye na Katumbi bazali ba demi frère. C'est-à-dire, bazo kabula tata moko, oya juif. Mama ya Katumbi, c'est le grand frère, demi-frère ya Katumbi Mutazoloba. Mama ya Katumbi azali zambienne. Vidéo ezali. Katumbi atikala ko funda grand frère na yete pona problème oyo. Atikala ko réagir te ayebi sa grand frère na yeke non okosi. Son grand frère dit, mama ya Katumbi azali zambienne, ye mama na ye azali congolaise. Ye na Katumbi bazali ko kabola papa moko, o azali juif. Et papa ya Katumbi, na ya grand demi-frère na ye, atikala ko zwa nationalité zaïroise te, ou bien nationalité congolaise te. Bandeko. Katumbi, c'est un monsieur, ndenge baloba ke azali un type bon, azali un type qui a investi au Congo, azali un type oyo misala na ye ezali na Congo. Oui, on n'en disconvient pas. Est-ce que Moussala Moussou pona Katumbi ezali te kaka président de la République? Oui, les grands frères et demi-frères de Katumbi ezali katebe katoto. Vidéo ya katebe katoto ezali. Nanya si a mona démenti ya Katumbi a démenti katebe katoto ke non makambu yo lobi pona ngai ezali lokuta mama nangaza congolaise même si papa nangaza juif. Katumbi ne l'a jamais fait. Et ye moko pe Katumbi a lobi bien papa na ye azali juif. Bandeko. Quel est ce pays où ezana mi be kote? Et pourquoi cette proposition ya Tiani ezali komona na ke ezali Katumbi muta azali visé ezali komona na ke ezali vous allez voir ba bandundu pardon excusez-moi na sengi pardon bandundu te ba métis nyonso ba lamuki Olivier Kamitatu alamuki mes chers amis ngai na Olivier Kamitatu to yebi biologiquement. Je dis bien, biologiquement, Katumbi azali, Olivier Kamitatu azali na parent mokote congolais. Voilà bozomona Olivier Kamitatu azo s'acharner contre Noël Tchani. Parce que batouane eza batou moko basali moussala na mboka na biso na illégalité. Il faut quand même tout zonga quand même na ordre mon koboye quand même hein. Si vous voyez Mutulo s'acharner na mobeko oyo parce que il se sent lui-même directement visé pour la nini parce que Kamitatu Masamba n'est pas le papa biologique d'Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu est si kavandi a yebi yango bien. Ngana yebi yango bien. Ngana vanda à 2 km ya mboka ya papa ya Bortoloba entre guillemets papa ya Olivier Kamitatu. Mboka na ezali Kilombo. Kilombo ezali na mission catholique Lumbi. Lumbi ezali pembeni na Kipata. C'est là où j'ai grandi na âge primaire nanga. Ngana manoke na classe. Na bana ya petit frère ya Kamitatu Masamba. Je connais très bien l'histoire ya famille ya Matanda. Naibi bien histoire ya famille ya Kamitatu Masamba. Naibi très bien histoire ya colonel Kudiakubansa. Naibi ba histoire na bango. Olivier Kamitatu azali ni mwana d'un Congolais côté maman, ni mwana d'un Congolais côté papa. Olivier Kamitatu, c'est un fils adoptif. Et si kazali a yebi yango. Mais bamboka nyoso tozali kokende, il y a un niveau, il y a citoyenneté, oyo quand même ezaba fonction susu okoyi kosala yango te. Bamboka o ezali na démocratie soudée. Tolo ba par exemple États-Unis. Bazali na rigueur moko pona kozwa ba fonction wana. A fortiori biso ba tozali na pays moko passoire. Lelo bandeko nyonso. Bandeko nyonso o bazali koloba. Mibeko wana bazo vize Katumbi. Mibeko wana bazo vize Kamitatu. Mibeko wana bazo vize Félix. Mibeko wana bazo vize Intel. Et so tali la plupart bango nyonso a part. A part Félix, bango nyonso ba métis. Musala mususu ezalite. Bandeko oyo bako yiko sala. Olivier Kamitatu a été président du Parlement na biso. Azui mbongo na Parlement. Est-ce qu'Olivier Kamitatu ne peut pas partir na mboka ya papa na adoptif Kamitatu Masamba? Kuna zambe za munene kuna? Ako kenete ko sala bilanga kuna? Investir dans notre pays? Il faut kakazala na politique? Bino nyonso bozali ko sipote Katumbi, tozala d'accord. Tozala d'accord, bino nyonso bozoko sipote ba metiso yo nyonso. Bazali bandeko na biso ba Congolais, soki ba botama na Congo. Mais, ezali na niveau moko ya citoyenneté, on ne blague pas avec. Olivier Kamitatu soki azali portugais. Vide Chimanga soki azali portugais. Bozuye bo komisye président de. Ce qui conflit ezali entre Congo na Portugal. Vidye Chimanga o kote la pays nini. Ce qui conflit ezali entre Portugal na Congo. Vidye Chimanga o kote la pays nini. Tozali na pays moko oyo, ben institution ezali solide te. Tozali na pays moko compréhension, ya gestion ya mboka ezali solide te. Alors il faut faire très attention na biloko mususu tozali ko sala po na sentiment. Botombola mosapi awa bino nyonso oyo bozali ba pro Katumbi. Naza na problème moko te na Katumbi. Ndenge na yoke la kama kambo na ye ndenge sala ka c'est un type bon, c'est un type qui a investi. Misala na ye nyonso asala kango na Congo, c'est très bien. Toza pena ba Congolais belé oyo misala na bango basalaka na mboka libanda. Mutombodi kembe travaille aux États-Unis. Il a investi na mayele na ye na États-Unis. Mutombodi kembe a généré ba mbongo na États-Unis. Mais cela ne donne pas droit na Mutombodi kembe de devenir président américain. Pour na ba américain Mutombodi kembe c'est un type bon. Il a travaillé à générer bambongo ebele pour na kobeta basket na ye et ça vous donne les droits ko pesa mutombodi kembe droit à comme président américain parce que c'est un type bon qui a généré l'argent na mboka na mboka États-Unis. Ngai pour na ba coréen na za un type bon, est-ce que zo pesa nga droit na comme président coréen parce que na za un type bon? Comment vous pouvez sacrifier tout un pays, toute une génération oyoya ya bana na bino juste pour un sentiment momentané oyo yoza nango? Nana tombola moi petit doigt na ye. Toyo kanabiso nyonso bo voilà, to lobela sous makambo ya congolité oyote. Tout le monde peut devenir président condition ezali la kisa biso carte d'électeur na yo. Alors, nana tombola mousapi, bosko ntangada, akoki peko ya koma président epa na biso. Soki bo boyi, boko pekisa ye na mobeko nini, woye bisanga. Soki bo lingi yete, boko deklase dossier na ye na dokima nini. Mais franchement, il faut que zana amour ya mboka. Et Katumbi va très loin en menaçant ba Congolais, azali ko menacer même. Il dit bon bato oyo bazolo bela makambo ya kozala de père et de mère congolais pour za la postuler na magistrature suprême, bazo menacer Katumbi te, c'est les Congo qui menacent. Qu'est-ce que Katumbi veut faire? Voyez-vous, donc namboka na biso lelo soki bomoni Katumbi lobi boka matebo, vous allez voir un chinois, vous allez voir un coréen. Ah oui, bomona ya ko yebisa bino ke non nazana carte d'électeur yango yo. Alors soit accepter moi, nazala candidat, soit toi afflamer pays, toi tumbamboka. Au lieu d'être humble, boba parlementaire, bo solo là, tout discuter ma kambo oyo. Lui menace dans l'andi katumbi mutoye bisingati na l'andi. Problème oyo ezali bozo viser katumbi te, bozo menacer de la République ya Congo mboka na biso. Sérieux ça? Ndundu nini, mutu nini o abota? Obota na français. Congolais ni wa abota na français, abota na américain, abota na asiatique. Mwana na bino azui mukanda nationalité ya mboka wana. Ce qui va poser problème ya citoyenneté ya mboka na ke batcha mibeko, il faut za la de père et de mère ya mboka oyo pour comme président, mwana wana ya congolais abota na mutu ya mboka mususu, akende ko menacer mboka na ke soki botchenga ite, eza mboka na biso mutu bozotcha na menace na danger, danger nini okosala nini. Danger nini, okosala nini. Ayer ekosala matin, mais hélas, na Congo ekosalema. Na Congo ekosalema parce que batou juste le sentiment. Parce que katumbi aza métis. Il faut kakaza la président. Katumbi président ou jamais. Mais na mibeko oyo, na mobeko oyo, soki bake nango. Na parle masoki eleki. Ce n'est pas seulement Katumbi. Félix pe azali. Et pour na Félix ezali ngam na lobi yango te ye moko aloba yango ke azali 50% congolais, 50% angolais. Est-ce que vous allez ba idiot pour que ba ke na kozwa ka ba vidéo ba ko lakisa bino ko itu. Les congolais c'est quelqu'un oyo il faut quand même un matériel didactique. Pour comprendre, c'est comme bana ya primaire, ya premier primaire. Congolais sont le bibo ya kondi mate, yango bomona ka ba congolais bele ba lo pesa preuve. Soko bozo ka ba tozo la pesa preuve. Ce sont bana ya premier primaire pour tangisa ye malama comprendre, il faut même ba matériel didactique. Vidéo ezali Félix lui-même. Lui-même, Félix azali koloba, nazali 50% congolais côté papa. Nazali 50% congolais, pardon, angolais, côté maman. Nani li sou souboko linga ya kote mwanye, alo bake non, Félix aza 100% congolais, so ki ye mokoti. Nani li sou sou. Non, à un certain moment, mes chers amis, il faut tous à la série. Franchement, il faut tous à la série. Ngai, ce qui me donne la nausée, et lo que pesa ranga posa ko sanza, mingi zali ba Congolais ba vandi na diaspora, 5 ans, 10 ans na diaspora, 15 ans na diaspora, 20 ans na diaspora, et mingi diaspora européenne. Mes chers amis, bo limbi sanga, ba Congolais ba vandi na diaspora Europe, na ye bakate, qu'est-ce qui se passe avec vous là-bas? Franchement, foutaise et zali et pelé. Quelqu'un au bozo mona. Azali ko sala ba commentaire sur politique ya France, sur politique ya Suisse, sur politique ya Allemagne, sur politique ya Angleterre. Okoyoka biso a nous sommes des évolués, biso awa la démocratie, biso awa les droits, biso awa makamba mabele bato soki batomboki pona mabele na bango. Ndeko obo yoka vandi 30 ans, 40 ans na bamboka wana. Vous allez voir peut-être Katumbi akabela ye 100 dollars. Vous allez voir peut-être asepela kanaye parce que Katumbi aza métis. Les Congolais est prêt ou prête de sacrifier son pays pour na sentiment azanango pour na Katumbi, pour na sentiment azanango pour na Félix. Parce que ah oui, hein, parce que ba Congolais ba métis kuna kosakanate. Hein? Congolais musa na ye vomi abota na ye atam mutali boma. Un français mutali boma, belge mutali boma, allemand mutali boma, essentiel abota métis. Oyoka sangwa boni kuna hato za malamu ndenge nini kalawana banda okenda na yebisa ki yote na bosa na bota te. Obota mwana nini? Soki bazotu no bota mwana nini? Bazotu no bota mwana ya sex nini? Bakongole bako loba sex a mwana te. Obota mwana nini? Eh, na bota metis zela na tindelo foto. Na bota metis zela na tindelo foto. C'est-à-dire que Kongole, soki a moni mutuaza poso clair. Les Congolais tremblotent. Les Congolais tremblotent. Ngai na koyiko comprendre moi mon kebande ko na biso ba vandi na na Afrique na bamboka o ba mona mindelete. Mes chers amis, mindelete tozo vanda na bango, tozo lala na bango, tozo tanga na bango, tozo tangisa bango. Ba zo ba bazali Bato mayele bazali, biyungu bazali, bato bazali okola Felix bazali. Ebele. Obota mwana nini? Batuni yo seksi ya mwana, obota mwana mobali, obe obota mwana mwasi. Batuni yo teke obota metis. On n'a pas besoin de ça. Si tu komona soki basanoli bango suki. Basanani ba metis na bango ba bota kuna suki. Mutu moko a kipakate eske mutu ango a bota na ye azali boma. Je vais vous donner, na kopese bina anekdote mon boy. Ça c'est vrai. Ezali na mboka moko na Amérique du Nord. Une Nigérienne azo luka moyen, azo mukanda, mukanda azo zwate. Nigerien a zolo ka mukanda a zozo a mukanda te. A luka pe mwayen, peut-être mundele mokwa ko tche mwa, ata mwa lito ina balabala, mindele ba yaka te, batu ba yaka ka bandeko na ye ba Nigerien, batu ba yaka ba Kongole. E la plupart pe batu ba ye la ka ye, ezate po ba bala ye, po a zo mukanda te, juste pour des aventures. Nigerien o asali nini. Akei na centre sika ba chaka batu mitu e beba. Azui moko alue taxi a memie ti na mdaku na ye. A kalkile ba sikle na ye. A memie mtu aliboma oyo Nigerien o azui zemi. E alinga ki sus kokuta na mtu msute mtu mwindu kaka mtu wana. Mais à chaque fois zo kende sika wana ko talaka soki mutu wana azali ko talaka ye mutu wana kanisa ke no mama oyo mwana mwasi o aya ko kabelanga mwa ba $50 mwa ba $20 mwa bilo akolia peut-être asepela kananga mingi bato asantra na kutuba ye ba ye ke no aya ka mingi ko kabelande ko wana ba mbongo njoka nde Nigerien oyo azala ki na ba pensée nde ko aya ko zwazemi akei enregistré kombo ya papa aboti mwana atie kombo ya mutu oyo vrai nom ya mundele oya liboma ndeko oya yiko bota mwana metis akei na centre mwana nga papa na yeye mais non papa na yende ngini yeza mutu ebeba oh non non to bandai ko za na yende ngi bo bandai ko mona nga na bandai ko ya to zalazala kana ye Bato a centre na baye ko tombo ka babi non ça ne peut pas se faire Aden. Ba ke ko sa sa test. Test la ki si oui mwana na ye 100%. Nigerien o ya zo mukanda. Mwana d'abord za citoyen ya mboka wana. E mama pe aye ko zo mukanda na sima ya mwana na ye. Ba africaine ba congolaise mingi ba congolaise ba ivoirienne soki kaka ke ko bota mwana mutu ango pe bo vérifier malamu te soki azali liboma ou bien azali chege ya poto soki ba sanoli bana na bango soki je ne dis pas que bana na biso ba metis baza batu mabe non baza bana na biso mais er moko vous exagérez Ba photo ko pe mate, Instagram, Facebook, suki kaka ba kanga kango te, yango kake fwe pe, paka suki wana. Obota mwana nini, ae na bota metis. Voilà maintenant ba métisme bakambazolo qui habite na Congo. Après Banyamulenge oyo, ça devient maintenant le tour des métis. Balobi bango président ou bien Totumbamboka. Ané ko ya boko mona communauté chinoise. Na er, vous laissez les Chinois venir investir. Parce que quand les Chinois viennent là-bas, ils viennent investir et ils viennent aussi vous laisser leurs enfants. Après, bané bokomona la communauté chinoise, biso présidence ou bien Totumbamboka. Mes chers amis, tango mususu pona makambo ya mboka, pona jesu ya mboka, ifubo za laka na panse ya musika. Lelo nazali ko sepela pona Katumbi aza la président. Lelo nazali ko sepela pona Félix aza la président. Lobi nazo ko sepela po kundabatware aza la président. Ba conséquence nango na future ko za la nini. Raisonner na terme wana, mes chers amis. Bo raisonner na terme wana. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, yo kozala soute peut-être kozala si okufi. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière? Pour na yo Katumbi azali moto malamo, azali monsieur malamo, Katumbi faza la président. Et kokoma jurisprudence. Bofungo li porte. Ngape lokola bana na ngaba vandi na mboka Corée, akobota na une coréenne. Ou bien na coréen, na kozope mwana wana, na ye na yepe na Congo, mwana o ifa koma président, soki bolingite, Totumba mboka. E na er wana boko kondane ngai, boko kondane mwana ngai, ou bien boko garde silence. Parce que la gestion d'un pays ezali cyclique. Lelo groupe na bino bozo gouverne, il dépense bozo na pouvoir lelo. Ne faites pas des choses. Oyo lobby et ko kangabino singa na kingo. Parce que na tango bozali ko forcer awa. Oui, Félix Azamwa na mboka, même na 50% na ye ya congolais, 50% angolais. Bozali ko forcer parce que c'est Félix ou jamais. Lelo Katumbi. Katumbi akabela yo mwa $100, o sepela kana Katumbi parce que Azam métis, bien Katumbi aza suki belete akata asuki. Tondimi ye, to chaye président lelo. Et lobi na tango tokozwa siko mwana o abotami Katumbi abotami na avec un juif. Mokolo tokozwa un président, mot candidat o abotami na coréen, na chinois, na un mongol. Ndeko yo mtozali ko supporter makambo na lelo Katumbi za président. Lobi o kondima yango. Lobi o kondima yango. Ndeko nazali kofinga bana yote. Na ebite definition ya kofinga. Ke signifi kofinga? Kofinga c'est quoi? Soko lobi métis eza kofinga. Soko lobi métis ezali kofinga. Baza bana na biso. Bandeko ebele, babimi libanda, bakutani na bolingo, moto abalie, moto aboti na ye, moto wana ezalaza mundela za anani, azali. Me, na nivo ya mboka na biso. Ezali na niveau moko. Ezali na makambo moko, il faut faire très attention. Bamboka nyonso na mokili bazo sala yango. Pourquoi pas na Congo? Soki bamboka nyonso na mokili baza ko definir, nani ako yiko za la président ya mboka? Ba Amerike bato baza na stabilité na uta yiko lobango. Bazali ko definir, nani ako yiko za la président ya mboka na biso? Pourquoi pas biso na Congo? Ce qui na Congo to bito définir nani akoyi ko za la président, nani akoyi ko za la président de l'Assemblée nationale. Ça devient un problème. Bato oyo nyonso bazayi na bazako remplir ba condition na te. Bazomona ngolo kola. Fin du monde pour na bango. Bazomona lokola condamnation na mort. Non. Katumbi pe continuer ko ça. Na moni azo sala bilanga loso. Il peut continuer, ba kongole ba lingaka ye, ba continue ko linga ye. Il peut continuer ko sala musala wana. Katumbi peut continuer ko aider ba équipe ya bal na mboka na biso. Kongole ko linga ye toujours, il va aider le pays. Ko aider pays fou ko sala kaka président. Qu'est-ce qui est derrière Katumbi? Kaka il faut ye fois la président kaka. makamuni na zana ngona sima. Parce que un ba Congolais ba linga kaye. Si tout côté il a beaucoup investi na Katanga. Ba Katanga ba ndikolo biso Katanga ba linga Katumbi. Alors, Katumbi si quoi lingi li susu nini? Akoma nani Nzambe que no ifuna koma président soki na komi président na okoma Nzambe parce que bolingo oyo ba Congolais ba pesinga eza muke, ifuna ba kisa susu bolingo ya mingi non. Non. Eh, le moque foutu me kaka, tous à la moi sérieux à ta mouke. Donc, toke négocie ça, voilà, une heure. Toke négocie ça, na question na zo ti kabino nango. Bandeko bino batubozali, ba pro, ba contre, proposition ya loi wana. Na parlement na bino, soki parlement, nga la zana. Nous avons la confiance dans côté. D'ailleurs, pour moi, on n'a pas de parlement. Katumbi peut donner moi $10 na ba Daniel Safou tout le monde la loi et kolekati na yebiango. Mais en tout cas, quand nous prenons les choses en main, mi beko wana ekozala. Ce qui boboyi mi beko wana ezalate. Alors, mettons-nous d'accord aujourd'hui qu'un Kundabatware peut venir au Congo avec une carte d'identité congolaise, avec une carte d'électeur congolaise. Kundabatware sera président, peut-être élu président. Vous êtes d'accord, Nangai, que Bijimakara Koikoya, na carte d'électeur pour Azanango, a coupé sa candidature, pour voter comme président. Vous êtes d'accord, Nangai, n'importe quel Chinois ou Azaï na carte d'électeur, n'importe quel Libanais au hasard la carte d'électeur, Jamal aujourd'hui a investi au Congo depuis longtemps. Jamal peut devenir président du Congo. Tous à la d'accord ici, Kavana. Alors, toko Lukato Benga Noël Chani, to yebisaye, ndeko tika. Notre pays est un pays où il y a un ami beko anate. Notre pays est juste jungle. Tout le monde a koi ko sa la loi. Ezali mawa, personne. Ezali vraiment mawa personi. Na mobeko wana, en réalité, nga nazo mona bazo vize Katumbi te, bazo vize Félix te, bazo vize Olivier Kamitatu te, bazo vize Soki Ndoundou te, bazo vize Mutu te. Na mobeko wana, bako vize nde Congo, ba vantire leki mingi. Tout le monde est Congolais. On ne sait plus faire la différence qui n'est pas congolais, qui est congolais. Alors, il faut tous là quand même, même si chez nous, Mibeko va respecter Angote. Katumbi, c'est pour moi, pour rien. Cette loi peut passer, na parlement, na bango est passé, nan ko respecter Ango. Félix a évité pour être président, il faut qu'on soit 100% congolais. Pour qu'on soit président, il faut qu'on soit gradué. Félix a évité Angote. Est-ce qu'après ça, il candidature, il est président? Nan ko landango. Qui va respecter cette loi? Nazo monate pourquoi zo se poumoné? Y a pas de sérieux chez nous. Sérieux yé nan te nan boka nabiso. Attendez, tango toko ya, o se poumoné bien. O kozala na prison. Parce que ngai na koko kende Israël te, na vandi na Israël, pour na investir na Israël, je peux devenir président ou bien premier ministre à Israël. Je peux le faire moi? C'est la question qu'on peut poser à Katumbi. Est-ce qu'un Congolais qui a investi en Israël peut devenir premier ministre à Israël? Ce qui peut répondre est et pourquoi Katumbi veut devenir président chez nous? Pourquoi Alingi Koza la président et pas d'Abisso? Ce qui na Israël, un Congolais qui a investi en Israël a koyiko koma premier ministre à Israël. Pourquoi Katumbi veut devenir président au Congo? Parce qu'il a investi au Congo. Division awa ezate. Il n'y a pas une division entre nous. Ce qu'on vous demande, c'est juste du sérieux. Que ce qui peut se faire, qui ne peut pas se faire ailleurs, bolingate e ya ko salema na Congo. Ponanini. Congo, il faut ezala kaka na b'exception. Alors, nako kende point mwa mususu yelinga yi awa gestion toujours ya ba ya Goma ya éruption volcanique na Goma bande kona biso bazali toujours na espoir te mutu moko azo s'occuper na bango azate gouvernement a abandonné bango comme na lobaki yango la fois passée baza toujours na besoin na biso na lobaki yango je le répète que ndeko na biso Fabio Kuswanika na monie na bato mususu ya un monsieur là que je connais monsieur Weti na ba photo na moni ba ke ko tala esika bazali ko entreposer biloko ya kotinda et ngana ko favoriser mingi babengaka na monoko mboka na biso ya kokauka c'est-à-dire l'argent parce que avec l'argent et ko kende rapidement kotinda biloko et kotinda siko ba bimisa susu mbongo po ba frete eza mabete soko za ene loko moko na ndako o utiliza kate o moni ke bandeko na biso ya Goma bako yoko utiliza ngo sa pose pa de problème mais kokende te ko somba eloko o somba yango o tinde la Fabien Fabien tinda kuna bozo mona ke o depense mbongo kombe de fois o sombi o depense mbongo o tinda ngo pa Fabien o depense mbongo Fabien azu yango atinde na Goma o depense mbongo na Goma pe sike koti po ba landa batona moko moko ba o depense mbongo pour la transport vous voyez que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour la transport ya kotinda moi eloko peut-être mbongo ba o depense ça dépasse même mbongo montant o yo somba ke eloko wana donc moi je préfère ce qui olingi kosomba eloko kosomba eloko te mbongo wana kosomba eloko na mbongo olingaki kotinda la transport po ekomela la Fabien na mbongo o imagine que Fabien akotinda ngo na Goma sangisa yango tinda nde mbongo comme ça bango moko bayebi likamuni ni bakoyi kosala na mbongo wana po même bazokufa na nzala yo kotinda la bango loso te par exemple basi bapesi bango loso baliaka kaka loso loso loso chaque jour te parce que soki baza déjà na loso yo zui loso mususu opesi Fabien Fabien memela bango mais baza déjà na loso comme yebele bana mususu komona mikolo bakolia mais bana mikiba koloba na olia nga sute na olia su loso te mwana mukaya yebite souffrance nini problème nini baza nango akoboya mais soki botindi mwa msolo parent moko azui par exemple mwa 20 euros oyo tindelie akoyeba ke noto za na loso tika tokende koluka mafuta toza na loso tika tokende koluka ta pondu donc bango bakoyeba eloko nini bakosala nango mais soki mbongo ezate na bibia ozana eloko oyo na ndako peut-être o utiliza kate ava problème ezate ya zwa yango tinda tinda ngo meyeba ke ero zo tinda ngo kilo wana ça demande aussi de l'argent pour comme la bande kona biso mais moi eto bo yango ezate botinde la ngo Fabien donc bakanyoto mususu pardon parce que ngai na ko garantir mutu moko te po boyebi kaka biso na diaspora ba pro kanyoto baze ebele kanyote koma siko ba kanyota ngo yango yo mbongo abatu siko zwa tinde pa bakolo nango ekomi bitumba. Ekomi bitumba, soki ultuni kaka batuni yo zala ka profesere pa iwapi. Oh, tozulo ba ama makamba kanyot di. Awa tozulo ba makamba kanyot, makamba ki profesere yeli wapi. O pesa biso nano, komba universite otangi saka. Nazana esengo mingi te ha, bo eski zenga hii, paske ya yin situasyon ki fo jere. Mais en tout cas, on ne peut pas abandonner le pays pour la situation mususu. Situation ya mabete, bon voilà, c'est la vie, c'est naturel. Et na mandeko loba makamba kanyot parce que si je vous dis bon qu'il n'est pas Fabien, bon pesaye, bon confier mon parce que na yebi Fabien même physiquement tokutana te mais depuis na yeba ye na analyse kayi malembe chaque jour, c'est une personne ya confiance, elle repère sa confiance. Azali mouta kope sa confiance. Na boyi na tinda ba pro yombi ba yombiste ke no bimisa 10 euro na yo 5 euro na yo $100 100 euro okende kope sa ngo bato mususu ba kanyote oyo eya okoma siko yo bon mbonga kanyote kete otu na ndenge nini makamba mbonga kanyote oh no lakisa biso nanu universite otangisaka fuko lakisa nanu siko salaka po ye abimisa mbonga kanyote rapport nini zali. Rapport ni nezali entre kanyote ya mbonga batozwi na esika nga natangisaka. Rapport ni. Ça c'est les Congolais. Donc, nous allons continuer à soutenir batobazo sala musala malamu na mboka na biso. pona katumbi ndeko oyozali pro katumbi pardon kende na ndaku vanda yomoko sal examen de conscience sal examen de conscience est-ce que vraiment ozali na raison ezali intérêt général ya mboka katumbi fo azala kaka président ya mboka na biso vraiment katumbi fo azala kaka président ya mboka na biso donc musala mususu il faut kaka azala président ya mboka na biso Moussala Moussousouté. Alors, là, tu comme qu'on a que derrière, qui présidence Oyo Katumbi, n'a pas tout Moussous, bah Olivier Kamitatu, et ça n'a pas agenda Moussous. Donc, si tu le big et Katumbi, yo tika là na ko investir. Si tu l'ingé peut-être défis à yon bongo, République a défis à yon bongo et belé, pour investir, bilanga l'os, et zale belé, bilanga papa y paye, et zale belé, ba équipe y a balé, et zale belé, to kopé sa yo, parce qu'on a confiance na yo, kote kuna osala kam sala bien. Te, wana te, kaka présidence, c'est que vous avez des agendas derrière, ou yo bolini kaka boza la na présidence, wana obendegini. Mboka déjà, si e panzani bo panti, que voulez-vous? Et batu, ou yo nyo se bozo mona, so yo moni Kabila a fait 18 ans na pouvoir. Nga lo bakango, Kabila za na kapasite wana te ko sala 18 ans na pouvoir na mboka na biso, ezali batu lokola ba oyo bazali ko soutenir batu Katumbi, ce sont des Congolais de course. Oyo ba komisi Kabila na 18 ans de pouvoir, lelo Kabila koma maître ya terrain okolobe loko moko te pa Kabila. Ezali Kabila ye moko te quelqu'un qui est venu avec des bottes. Ma ye le nini sagesse, nini expérience, nini azalaki nango pour aya ko dominer pays mobimba boy. Ce sont des Congolais locaux là, yo. Moutozo mona ki intérêt na yo, parce que o linga Katumbi, parce que Katumbi a pesa yo $100, a Kabila yo 100 euros, parce que o mona ki aza kitoko, aza métis, peut-être so boza na ye, ndeko na yo a Bali, mota métis, posta non na kabasuki. Donc il faut sacrifier tout un pays, Katumbi, président ou jamais. Différence ni nizali entre yo na Lambert Mende. Parce que Lambert Mende a soutenu Kabila pendant 18 ans. Différence ni neza entre yo na Lambert Mende. Batu o bazali ko soutenir Azarias Ruberwa. Ba Congolais o bazolanda Ruberwa. Différence eza wapi entre yo na ba Congolais na bazolanda Ruberwa. Ba Congolais ba bandai ko landa Bosco Ntaganda. Différence ni ezali entre yo na bango. Bozandenge moko? Bino batu bozo sacrifier mboka na biso na ba désordre ya boye. Mais non. Tolingi Moutouni, on a besoin de tout le monde chez nous au pays. Étrangers, résidents, citoyens. Bah, oui, bah, y'a qu'aux nationalités, na biso, on a besoin de tout le monde. Mais on n'a pas besoin de tout le monde. N'a pas fonction, monsieur, sur le coup, la présidence, y'a République, le coup, la présidence, y'a Parlement, le coup, la présidence, y'a Sénat. On n'a pas besoin de tout le monde. Ça, c'est réservé aux Congolais. Aux Congolais de souche, ou bien des pères et des mères. Dans ma pays, monsieur Salamaka, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Donc, je demande à M. Katumbi de se ressaisir, de penser à ce scénario que M. Yombi, même s'il a investi en Israël, M. Yombi ne deviendra jamais premier ministre d'Israël. Jamais. Et pourquoi pas vous respecter aussi ces principes au Congo, même si vous avez investi au Congo. Mais ça ne vous donne pas les droits de devenir président au Congo. Alors, franchement, Bana Bissou, Bana Métis, moi j'aime beaucoup Bana, Nalinga Bana Mingi. Et je vous dirai par exemple anecdote moi que banana biso er bazala ki bana mike à partir ya aza bébé ti ya okokisa baba ba 12 ans 13 ans banana nga baba ndai ko linga mingi ngai ke mama na bango vous allez voir yo zana musalo yena unte ba demande ezate mama bango azali Dès que vous êtes bango nyo sou moutou na bandi, nga na le nante, nga na le nante, nga na boye zate, nga pesa, mais mama est là. Mama abango er moka bando tuna bango me batuna kate basenga kate. Soki kaka ngana koti. E ngai ko bimana ngai ko kende biro. Ifuko mona ba oya mike ndenge balandaka. Mama abango alo ba bimi ake par exemple quelque part shopping ake quelque part. Ba olanda yete. Ba olanda yete. Mais yo ovandi bovandi ndenge to vanda na salon bovandi et olobi bon na kena na bureau bien na kena no quelque part yo zo lata bango pe bazolata yo zo lata bango pe bazolata ifu bakanga bango ifu bakanga bango ube na kintweke soye kot boko tsaye kot tsaye na chambre na ina bima mama bango balanda kaiti. J'aime beaucoup les enfants. Donc, ce qui est dans le but, c'est un métis, c'est un abisso, à part entière. Mais, il faut qu'on y ait un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Il faut qu'on y ait un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Les conséquences sont sur les conséquences sont sur les alliés. Tu as un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Oh non, je suis métis. Moi, je suis métis. Na sina tinde la photo na te ezela ko solo ko te sina te tak tak tak tak ba photo ba photo Congolais il y a des conséquences na ndenge pe bato musu bazo kendo ke quelque part aux une nationalité en boka musu elle aux une décision au changer nationalité kanisa kapé est-ce que na mboka na ngai on accepte double nationalité ou bien on n'accepte pas. Ba Congolais toujours la décision quand on a sans réfléchir aux huit décisions. Il y a on a autre que chez nous mais beaucoup ils la respectent. Combien basé la double nationalité. Le conseiller de Félix tout le monde basé la double nationalité. Ba conseiller Félix Bango nion sous basé la double nationalité. Ou à peu près tout le bas on a 9.9 basé la double nationalité. Nana landa ngwa tuna mais pourquoi engager ma paye beleboy? Personne ne respecte la loi. Katumbi doit être calme. Il faut être calme. Soya linga tumba mboka akenda na va tumba tozala naye. Voilà donc mes chers amis et lokona linga iko yebisa bino na ebande na pesa ki na lobaki du verre na lobaki yango le kaya ndeko na biso boketchwa yambo na utai ko lobaki na journée ya lelo na moi ya lelo na bino na Europe kuna na France a cher bakoti en contact na bato oyo bazali concerné na dossier ya Boketchou mais ce que je ne comprends pas ezali na zo mona bande comme ça vidéo bakomi ko luka bazwa ba avocat mususu alors place là na zo comprendre te bozo ka ba avocat mususu oyo ni boso bolongoli ou bien avocat mususu bozo luka po bazala ensemble j'ai proposé ce qui bozo na besoin avocat mususu oya liboso bolongo la yete. Avocat liboso azala et oya sika bokozwa ba travailler ensemble. Parce que avec makamba ba avocat, c'est comme makamba ba médecin. Oya ka un hôpital médecin oazo traiter de konayo, olobi non médecin oazo sala musala malamu te na botolio gestion ya ko traiter de konangai, bo pesa ngona médecin mususu. Médecin na kozala lésé. Et entre bango ba médecin, ba code ko yiko lekana. Ndenge ba emilier yo, ndenge pe bako emilier, ndenge ba emilier ngayi, ndenge pe bako yiko emilier yo mkolo mususu. Alors, toza la ka empe pridan, yako sala ka makambo. Et je me demande nandimite que ba avoka mususu bazali ko luka, ba ndeko nabiso bazali pre na dossier ya ndeko nabiso bokote, ba yebi yango ou bien ba yebi yango te. Donc, ezali ide a malamo soki bolingi ko luka avoka mususu, mais en tout cas, oya kala ifuazala, olongo la yete. À moins que à salim beba moko oyo bino boyebite o biso to yebite oui ça va mais ce qui n'est qu'à kezo kendele moi je vis les dossiers ya Boketchou wa yambo dossier papier nyos aussi son dossier na moni yango et je vis l'intervention ya avocat wana na moni esika avocat na salim abete na moni mbeba moko te esika wana il fait son travail il a prêté serment pour nous salam sala azala muta peperde azala mutu ya soki ya mutu nini ça c'est pas un problème problème ezali que soki mbeba ezali oui ça va mais soki mbeba ezati je ne vois pas pourquoi vous allez chercher notre avocat pour déclasser les premiers Voilà, mes chers amis, je pense que beaucoup partagé vidéo Nabiso et Tokutani prochainement. Ezalaki yabino ndeko mwana ya ngodia kama meni kongo ki yanji kola le dragon rouge. Merci beaucoup, bozala malama na mabota nabino. Bye bye.